J'ai reçu mon aide Québec cette semaine et j'ai été choquée par la publication de photos d'une mannequin qui est extrêmement maigre. Mais quand on dit là, plus maigre que ça, là, tu disparais. Je sais, bon, on le sait tous et toutes, les mannequins dans les magazines sont trop minces. Mais là, je suis même plus capable de regarder le beau vêtement, là. C'est juste la photo du mannequin qui retient notre attention. Je l'ai montré, en fait, à plusieurs collègues de travail et ils ont tous eu la même réaction. Personne n'a regardé le vêtement. Tout le monde disait « Mais donc ben maigre et donc ben affreuse, cette fille-là! » Alors, dans votre Elle Québec, j'attire votre attention, c'est la collection de vêtements de Stella McCartney. Vous allez voir, c'est tout le même, la même mannequin. Et franchement, si cette fille-là n'est pas anorexique, là, je me demande qu'est-ce qu'elle est parce qu'elle est à veille de... est avait d'être plus des nôtres. Ce pourquoi je vous dis ça, parce que c'est quand même des femmes qui sont à la tête de ces magazines-là. Elle Québec, on parle, j'adore le Elle Québec, là, soit dit en passant, mais je ne comprends pas que ces femmes-là ne sont pas capables de se poser la question avant d'aller en publication, d'aller publier. C'est-tu beau ou c'est pas beau, ça? Non, c'est pas beau. Si on est rendu qu'on fait juste regarder le mannequin, je sais pas, il y a un son de cloche qui se fait pas dans leur tête, puis franchement, je trouve que c'est un peu nous prendre pour des idiotes en tant que lectrices. Et donc, je dis comme ça en toute sincérité parce que vraiment, ça m'a vraiment choquée. Et donc, j'attire votre attention sur une fille qui s'appelle Julia Bloom, qui a 14 ans, qui est native du Maine, Waterville plus précisément, et elle a écrit un magazine pour adolescents qui s'appelle Seventeen. Elle a écrit à la rédactrice en chef, imaginez-vous donc, pour lui dire « Écoute, là, ça va faire les filles dans ton magazine qui sont toutes photoshopées. On veut plus voir ça. » Et elle a envoyé une pétition, cette fille-là de 14 ans, et je pense qu'elle avait recueilli, c'est ça, 15 000 signatures. Alors, c'est pour vous dire que je pense que faut se mobiliser, faut leur écrire, faut leur dire à ces femmes-là qui sont à la tête des magazines, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens, allez-vous le comprendre une fois pour toutes, ça ne reflète pas les femmes. Si on veut s'identifier à votre magazine, ben faites donc des photos avec des mannequins un peu plus rondes. Voilà. Alors, c'était ma montée de lait. Ça a fait du bien, merci beaucoup.